Voilà, bien le bonjour aux amateurs de rock progressif. Vous écoutez Rock de Neurones, c'est notre rendez-vous hebdomadaire pour le rock progressif. Et toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a la deuxième émission consacrée au meilleur moment de 2021. Alors, on a débuté ça la semaine dernière et on continue cette semaine avec Mustapha Keti, qui est du groupe Morpheus Project. On a Maladai de Finlande, Monarch Trail de Toronto, Nine Skies de France, Big Big Train d'Angleterre, Stuart Clark aussi d'Angleterre, Anthony Kalugin, chouchou de l'émission, là, qui nous vient de l'Ukraine, Les Izlesi de Pologne. On aura aussi Mendoki Soulmates, ça c'est une formation multinationale qui gravite autour d'un musicien hongrois là, du nom de Mendoki. Ça sera suivi de Soup de la Norvège, de Samurai of Prague et Motor Psycho aussi de la Norvège. Alors l'émission d'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné tantôt, mais c'est consacré aux pièces que j'ai le plus appréciées en 2021. Et on va débuter avec la formation multinationale Morpheus Project du musicien Mustapha Keti, qui a sorti en 2021 l'album Mosaïque. Et on va entendre un extrait de cet album-là. La pièce, c'est It's Who We Are, Mosaïque. Et ça sera suivi d'une autre nouveauté qui nous vient de la Finlande cette fois-ci. Il s'agit du groupe Maladai qui vient de faire paraître Einavi Hanta. Ça, c'est leur troisième album studio depuis 2015. Et la pièce que j'ai choisie pour vous mais s'intitule Alava Vaara. Ensuite, on va terminer avec Monarch Trail de Toronto et un extrait de leur plus récent album Wither Down. Mais auparavant, on y va avec Morpheus Project. Thank you. ce vin pour la main. Pelkään sen kohta jo tulevan. Jos väitän olevani elossa, kuulen jo aortani repeävän. Alava vaara, vailla kukkia kukoistan. Shut Time. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le deuxième segment, on va faire un petit retour en arrière pour identifier ce qu'on a entendu avant la pause. Eh bien, c'était la formation canadienne Monarch Trail et ça avait été précédé de Maladie. Ça, c'est un groupe qui nous vient de la Finlande et on avait débuté le bloc avec Morpheus Project du musicien Mustapha Ketty. Alors, pour le deuxième segment d'émission, bien, on fait un petit détour du côté de la France avec la formation Nine Skies. Et on va entendre la pièce Wilderness. Ça, c'est tiré de leur troisième et plus récent album 5.20. Et un petit rappel ici, juste pour mentionner que Steve Hackett là, participe comme guitariste là, sur cette pièce-là. Alors, ça sera suivi de la chanson Almost 2020. Ça, c'est tiré de Let's Go There, le deuxième album du musicien britannique Stuart Clark. Et ensuite, on va entendre la pièce Apollo. Tiré de Common Ground. Ça, c'est le 14e et plus récent album de la formation britannique Big Big Train. Ça, c'est aussi un habitué de l'émission. Et en conclusion, bon, on aura un petit détour en Ukraine avec Anthony Kalugin, qui a produit en 2021 son sixième album studio. Une petite parenthèse ici, je vous rappelle que Kalugin, c'est aussi le maître musicien là, qui autour duquel gravitent les formations Carfagen, Sunchild et Hogwash. Alors, un musicien assez prolifique. Alors, l'album studio qu'on a aujourd'hui, bien, c'est le sixième en carrière. Et le titre, c'est Chameleon Space Shifter. Et on va entendre la pièce Exceptional Chamel Ballard. Mais on débute ça avec... Nine Skies de France. Sinking into the deep. 30 cases of COVID-19, including Oh, Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, ceux qui veulent obtenir l'information concernant la musique qui est diffusée à l'émission Rock de Neurones, eh bien, j'aimerais vous rappeler qu'elle est disponible sur la page Facebook de l'émission. Et vous allez y trouver toute l'information concernant les pièces là, qui sont diffusées durant les 2 heures que dure l'émission. Et plus exactement, là, je dirais les titres, puis la durée des pièces, le nom des albums et des artistes, puis leur pays d'origine. Puis en plus, de beaucoup d'autres informations qui sont disponibles aussi sur la page. Et vers la fin de l'émission, je vous dirai aussi comment vous procurer l'infolettre là, que je publie toutes les semaines. Alors, on retourne à la musique. Et je vous rappelle aussi que vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurones consacrée à mes coups de cœur de l'année 2021 sur la scène du rock progressif. Et pour débuter le troisième segment de l'émission, bien, je vous invite en Pologne avec la formation Less is Lessie, qui nous a donné en 2021 un premier opus en carrière. Il s'agit de l'album The Escape Plan et vous allez entendre la pièce 2020. Et on va poursuivre avec une longue pièce de Mendoki Soulmates, une formation multinationale qui gravite autour d'un musicien hongrois du nom de Mendoki et qui nous a donné en 2021 l'album Utopia for Realists. Et ça, c'est quand même assez original. Mais auparavant, on y va avec Less is Lessie de Pologne. never forget my first revolution. It's like a wake-up call, a hard-earned lesson about fission and fusion. Back to the future, oh, we'll miss it all. A lonesome rider with burned-out fighters in a screenplay full of lies. The loads get lighter and the world feels wider if you leave all your baggage behind. I got a letter for the kids fighting out on the front. Oh yeah. Life is a very strange song, we can only play once. But I won't ask forgiveness for the battles to be fought. Destiny will forgive me when I'm fighting in vain with blind faith in the sun and the rain. I see the children in the woods and the streets, see the flags and see the fists. I see myself running through the smoke and the heat, see the chances that I missed. Now here's a letter to the kids fighting out on the front. Yeah, yeah. Life is a very strange song, we can only play one. Streets. Cold wind were blowing songs a bittersweet. My son, I won't drive with you to dead end, to the dead end streets. And this cold wind of bittersweet My son, I won't drive with you to dead end streets. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Un petit retour en arrière avant le début du quatrième et dernier segment de cette émission spéciale consacrée au rock progressif de 2021. Eh bien, je vous rappelle que vous avez entendu le groupe Mendoki Soulmates et ça avait été précédé en début de bloc du groupe polonais Less is Lessy. Alors, pour le quatrième et dernier segment de cette émission, je vous propose trois extraits de musique, dont le premier nous vient de Norvège. Il s'agit du groupe Soup. Ils nous ont offert un cinquième album en 2021. L'album s'intitule Visions et j'en ai extrait pour vous la pièce Kingdom Color. Ça sera suivi du collectif multinational de Samurai of Prague. Ça, c'est un collectif important sur la scène du rock progressif. C'est multinational. On leur connaît 13 albums studio, dont une trilogie en 2021. Et ce qu'on va entendre, bien, c'est une pièce de cette trilogie-là. C'est Searching for the Fear. Ça, c'est extrait de l'avant-dernier CD, The Whitesnake and Other Grim Tales. Et pour terminer cette émission spéciale de Rock de Neuron, j'aimerais vous présenter une autre formation norvégienne. Alors, décidément, là, c'est l'année 2021, c'est l'année de la Norvège. Il s'agit de Motor Psycho, qui a fait paraître Kingdom of Oblivion, leur 24e album en carrière. Et la pièce que j'en ai tirée s'intitule At Empire's End. Mais on débute tout ça avec Soup, aussi de la Norvège, bien entendu. Thank you. it seems like a dream, I will stay here. In a trance, with my life in my hands, I'll be here. Left to a dream reality, like this life turned out to be. Let it bleed, let it burn, let it bleed, let it just a dream. Ce que vous venez d'entendre, c'est de la formation norvégienne Motor Psycho. Et je rappelle que ça a été précédé de la formation multinationale The Samurai of Prague. Et on avait débuté le tout avec un extrait de l'album Visions du groupe norvégien Soup. Alors avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et aussi, l'émission est disponible sur Internet à partir de SoundCloud. Pour y accéder, bien, vous n'avez qu'à taper Rock de Neurones dans la barre de recherche. Et en plus, si vous désirez connaître les détails exacts concernant les pièces, les albums, les artistes qui ont passé durant l'émission, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de Rock de Neurones. Et sur cette page, vous avez aussi un lien qui vous amènera à plus de 215 émissions archivées. J'en profite aussi pour mentionner que je publie gratuitement une infolettre hebdomadaire qui recense les meilleurs albums de l'année en cours, en plus de faire la liste là, de tous les albums à venir. Et j'inclus aussi la liste de tous les spectacles qui s'en viennent, en plus de vous donner la feuille de route de chacune des émissions. Alors, tous ceux qui souhaitent la recevoir n'ont qu'à me le faire savoir en privé sur la page Facebook. Si vous avez aimé l'émission, mais soyez au rendez-vous la semaine prochaine à la même.